aborder une intersection, c'est d'abord contrôler la circulation générale et anticiper, donc ralentir, d'autant plus quand il s'agit d'une intersection réglée par des feux tricolores. J'ai forcément ralenti à l'approche de ce feu rouge qui passe au vert. Bien qu'ayant face à moi un poids lourd dont le démarrage sera plus lent que le mien, je ne dois absolument pas lui couper la route. J'avance au milieu de l'intersection et je laisse passer tous les usagers d'en face. Réponse B.